La champignonnière de Pyongyang est mise en service le 31 octobre. À la cérémonie d'inauguration étaient présents le Premier ministre Park Bong-joo, des cadres intéressés, des bâtisseurs, le personnel de la champignonnière et des citadins de la capitale. Dans son allocution, le Premier ministre a dit notamment « La champignonnière de Pyongyang est une création digne de l'époque du Parti du Travail et un bien précieux pour l'amélioration de la vie de la population. » Elle est dotée du système de production intégrale et du système de vulgarisation technoscientifique conformément à la demande du parti consistant à scientifiser, intensifier et industrialiser la production de champignons. Tout le personnel de la champignonnière de Pyongyang est tenu de s'inspirer du noble dessein du maréchal Kim Jong-un qui aime infiniment le peuple pour accroître la production de champignons en faveur du peuple.